que j'ai suivi un cours à un moment donné en navigation hauturière. Hauturière? Ah bon. Pour devenir capitaine au long cours. Un long cours, c'est un cours long. Bref, c'était une farce. Mais puis j'ai coulé mon cours, j'ai manqué mon cours, ce qui fait que demandez-moi pas, par exemple, des questions sur la navigation. Hein, monsieur. On coulé? T'as coulé ton examen? Non, mais je sais pas. Je connais pas les réponses. J'ai pas pris à faire le point. Commencez par la question la plus courte. Depuis que je suis allé en reconnaissance à un lieu spécial au Québec, je reçois tuile sur tuile côté finance. Je pensais que tuile est allée là. Début octobre, j'ai cru être en mesure d'y faire échec. Le soir même, en rentrant, j'ai trouvé des rosiers saccagés sans que je puisse deviner qui l'a fait et pourquoi. Puis les tuiles financières ont recommencé à pleuvoir. Vendez-les! J'espère que c'est du marbre. Oui, c'est à moi ces tuiles qui marbre. Est-ce une coïncidence ou y a-t-il un lien réel? Si oui, lequel? Il y a deux autres questions. Bon. C'est sûr que les coïncidences, c'est toujours intéressant. Puis effectivement, de temps en temps, il y a les coïncidences comme telles, ça n'existe pas. Sauf que de temps en temps, il y a des mécaniques coïncidentielles, on va dire une coïncidence, qui sont tellement minimes, tellement feluettes qu'on n'a rien à faire. Faut pas qu'on s'attache à tout cela parce qu'on deviendrait superstitieux, ça n'aurait plus d'allure, ça serait pas long. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'effectivement, si la personne est allée dans un endroit énergétiquement particulier, elle a probablement changé des structures énergétiques chez elle, même si elle n'a pas conscience directement. Les individus qui se conscientisent, normalement, un être humain qui devient plus intelligent, je ne parle pas d'intellectuel, je parle d'intelligence, sur cette planète, normalement, il se retrouve avec à peu près tout ce qu'il y a d'involutif autour de lui pour l'empêcher d'avancer. Alors, coïncidence, probablement pas. Faut pas en faire un plat des tuiles. Les choses finissent par passer. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se conscientisent qui, à un moment donné, si elles n'appliquent pas suffisamment certaines petites choses qu'elles comprennent dans leur intelligence, se font retourner à l'envers comme les tortues. Est-ce que les tuiles arrivent justement pour te pousser à non, conscientiser quelque chose? Non, les tuiles arrivent uniquement pour te pousser. C'est l'ennemi te lance des pierres, puis évidemment, tu les évites. Puis il se trouve que quand tu es rendu assez loin, tu as peut-être rendu sur ton territoire, mais il te lance pas les pierres pour que tu t'en ailles là. Il te lance les pierres pour te frapper. Y a-t-il quelque chose que je dois commencer ou cesser de faire qui me permettrait de régler ça au mieux? Et quoi? Bon, présentement, ce que... Non, la personne, présentement, elle est dans un état où elle n'a pas suffisamment conscience de ce qui lui arrive. Elle est en cheminement, ce qui fait que c'est préparatoire ce qui lui arrive. Elle doit attendre encore quelques temps et puis elle va avoir une meilleure idée de ce qu'elle doit faire ou de ce qu'elle doit cesser de faire. Présentement, elle ne doit rien faire de particulier puis elle ne doit cesser de rien faire de particulier. C'est exactement, bien c'est ça. Elle est allée se baigner dans un endroit particulier, elle est revenue avec des effluves de ce qui se passe là, et puis bien là, il se passe de quoi? Elle va absorber l'énergie qu'elle est allée chercher là. Quand elle l'aura absorbée, bien là, elle pourra faire quelque chose. En attendant, c'est une mécanique simplement. Elle est allée chercher des choses quelque part, puis elle a attiré avec elle des mécaniques qui ne sont pas tellement blanches. Monsieur Kem. C'est moi. À qui puis-je faire confiance? Il y a tellement de choses de dites sur l'évolution. Vous devez faire confiance. C'est un gros problème dans l'évolution parce que les individus ne sont pas capables de se supporter eux-mêmes pour la simple raison qu'une grande partie de notre identification est astrale, donc au niveau de nos mémoires, au niveau de l'ego, et toutes les théologies sont bien arrangées pour que jamais l'humain puisse se supporter. Hein? L'humain est toujours coupable. Alors, vous devez faire confiance absolument à personne. Ça ne veut pas dire que vous devez craindre tout le monde. On doit douter des gens, puis on doit douter du doute. On doit faire confiance à soi, uniquement à soi. Et là, si j'entends la personne penser, eh bien, elle dit, « Si je fais confiance à moi, je ne connais rien, donc je fais confiance à rien. » Ça se rapproche de ce que je dis. Il faut faire confiance à rien. Mais pas de la même façon. À rien ou aux ariens? Ah, pas aux ariens. Ça mène à rien, c'est pas vrai. Bon. Vous devez apprendre à faire confiance à votre capacité de discerner, d'être intuitif. Autrement dit, vous devez faire confiance uniquement instantanément aux événements ou aux individus. Vous ne pouvez pas dire « je fais confiance à telle personne parce que c'est mon frère » ou « à telle personne parce que ça fait 20 ans que je le connais ». Il peut être devenu un criminel, il peut être devenu une personne perdue, il peut être correct aussi. Vous devez apprendre à faire confiance à ce que vous ressentez chez vous quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous entendez quelque chose ou quand vous lisez quelque chose. Alors, il y a tellement de choses dites sur l'évolution. Bien oui, vous entendez quelque chose, ça vous vibre comment? Faites confiance à ce qui se passe chez vous. C'est ça, faire confiance à soi. Pas à nos mémoires. Ah, je me fais confiance, je sais qu'il est correct. Mais non, je dois vibrer sa voix lorsqu'il me parle, sa présence, ces choses-là, comment je me sens. Ça va? Ça va. Demain, ça ne va pas? Ben, ça ne va pas. C'est simple, c'est ça, se faire confiance. Alors, faites-moi pas confiance. Faites confiance à ce que vous percevez chez vous lorsque je parle. Ça va? Ça va. Ça ne va pas? Ça ne va pas. On ne peut pas faire confiance à l'extérieur. On doit apprendre à faire confiance à ce qui, chez nous, discerne. Et là, on pourra dire, j'ai confiance à une telle ou à un tel. Qu'est-ce que tu en sais? Ce que je perçois chez moi, la lecture que j'en fais, me dit que l'individu est en harmonie avec ce que je veux faire. Donc, me dit que l'individu est correct. Puis trois jours après, ah non, fais plus confiance. Ça me semblait qu'on pouvait faire confiance. Eh oui, on pouvait faire confiance. On peut plus. Simple, hein? Alors, on se fie à ce qui se passe chez soi, puis on va l'avoir à l'affaire. Si on ne doit jamais totalement croire et avoir un doute, ou comment n'avoir aucun doute vis-à-vis un idéal ou une situation quelconque lorsque l'on sait que tout est contrôlé et manipulé? Vous devez vous contenter, si je résume plusieurs questions, vous devez vous contenter à vivre une seule chose. Ne vous attachez à rien et ne vous foutez de rien. Donc, on doit être détaché sans s'en foutre. Quel que soit l'avenir, quel que soit le quoi que ce soit, aucun problème. J'ai une idée de la saveur que je veux que ça aille. Si cette saveur-là est sous la forme d'un spaghetti, ça ne me dérange pas. Sous la forme d'un gâteau, ça ne me dérange pas non plus. Et si je veux un gâteau, quelle que soit la saveur, j'aurai peut-être un gâteau. Peut-être qu'il sera empoisonné, peut-être qu'il sera amer, peut-être qu'il sera bon. C'est la saveur. On a une idée énergétique de ce que l'on veut, de ce qu'on aimerait intelligemment, de ce qu'on vibrerait. Pour le reste, l'encadrement, là, attention à la forme. Alors, on doit être détaché sans s'en foutre. Moi, je suis détaché, par exemple, de la souffrance des animaux. Si je vois un animal qui souffre, eh bien, je ne m'en fous pas. Mais ça ne me fait pas souffrir. Donc, je peux l'aider parce que je ne me fous pas de lui, mais j'en suis détaché. S'il meurt, bien, il meurt, puis je continue. On doit être détaché sans s'en foutre. Si j'aime mon passé connu à ce jour, pourquoi devrais-je le changer? Il n'y a aucune raison. Selon vous, y a-t-il une justice réelle sur la Terre? Bon, on va laisser faire le selon moi. Disons que si on se ressort un peu puis qu'on regarde la planète Terre, on se rend compte que la justice, ça fait partie de l'immensage cosmique, ça fait partie de l'illusion. Il y a une mécanique, il n'y a effectivement pas de justice. Ce qui va faire en sorte que, de toute façon, on peut regarder tout ce qui se passe au niveau de l'humain avec tous les dictons qu'on a, celui que je répète souvent parce qu'il est très facile, les bons partent toujours en premier. Ben, cherchez-là la justice. On a des personnes handicapées qui sont formidablement géniales. On dirait même que la bonté les habite plus que d'autres personnes qui sont des athlètes olympiques. La justice, tu sais, les enfants battus, qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais, ceux qui sont malades, sida ou autre chose. Non, la justice sur la planète, il faut la chercher loin parce que vous la trouverez pas de toute façon. Elle existe dans l'humain, et elle existe dans l'humain qui a de l'intelligence, et présentement, il n'y a pas suffisamment d'intelligence dans l'humain pour qu'une justice réelle puisse exister ici. La justice est nécessairement toujours esthétique. Puis, on a beaucoup d'inesthétisme dans la justice divine, dans la justice humaine, etc., etc. Dans la justice, là, c'est... Est-ce qu'il y a un moyen de ne plus être influençable afin qu'une fois associé, je ne sois plus comme une girouette dans les vents astraux? Oui, il y a un moyen, évoluer. Vous devez continuer à évoluer. Et la première façon d'évoluer, ce serait de mettre votre nom en pratique. C'est la meilleure chose. Votre nom, N-O-N? Non, oui, N-O-M, oui. Oui. Alors, la première chose pour cet individu ici, n'est-ce pas, son nom, c'est Soifran, et il doit mettre ça en pratique. C'est la seule chose qu'on a à faire. Dans la majorité, on peut chercher des petits trucs comme ça d'évolution, mais moi, hélas, je ne suis pas ce genre d'individu qui m'amuse avec les petits trucs. On doit travailler à long terme sur ce qui va rester quand on va être dans un autre contexte temporel. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à évoluer, ce qui fait que quand on s'associe avec des gens, puis on devient une girouette, puis un ceci, un cela, eh bien, on doit observer, en prendre conscience, puis travailler pour intelligencer la chose de façon à bloquer le processus. Soyez transparent, soyez franc. Tu t'appelles François, sois franc, c'est ce que ça veut dire. Si le temps n'existe pas, l'espace non plus, comment expliquer à mon conjoint que je n'aime pas qu'il soit en retard? Chose très importante. Premièrement, vous ne devriez pas expliquer à votre conjoint cela. Pourquoi? Parce que sa vie, ce n'est pas la vôtre. Il n'est pas en retard, il est à l'heure, dans son chronomètre à lui, dans sa vie. C'est important. Parce que sinon, si je dois expliquer à ma conjointe quand elle est en retard, eh bien, nécessairement, je me mêle de sa vie, je la manipule. Ah, on allait au cinéma ensemble, puis elle me disait, là, 5 heures, je suis là, 5 heures, puis pas là, ben 5 heures et 5, je vois le film. Puis elle, ben, elle arrive quand elle arrivera. Parce que si je décide de m'assujettir à son karma, je vais attendre jusqu'à 5h20, jusqu'à 5h25, jusqu'à 5h30. Puis quand elle arrive, je l'engueule. On n'a pas expliqué, ou etc. C'est sûr que si c'est moi qui arrive en retard, c'est l'autre qui ne comprend pas, c'est la même chose. Le temps, effectivement, n'existe pas. On peut prendre un exemple. Vous prenez votre montre, vous prenez un avion très rapide, le Concorde, par exemple, et on travaille sur un avion encore plus rapide prochainement, qui pourra monter jusqu'à Mach 24. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais... on travaille dessus. Et Concorde va à Mach 2. Montréal-Québec. Montréal-Québec. Ben, c'est l'avion qui va faire. Ouais, c'est ça. C'est... Non, c'est Montréal-Tokyo. J'ai pris le vol Montréal-Québec. C'est Paris-Tokyo en une heure. Ben, vous prenez cet avion, et puis quand vous allez arriver à destination, votre montre ne sera pas, aura plus l'heure de ceux qui sont déjà là. Puis je ne parle pas de décalage de fuseau horaire. Le temps n'avance pas, ne va pas à la même vitesse, dépendamment de notre déplacement. C'est réellement une illusion. Mais tout à l'heure, j'ai expliqué que dans le contexte planétaire, on doit s'entendre qu'il y a l'avenir, mais on sait que c'est faux. Qu'il y a le passé, on sait qu'il est instantané, donc que c'est faux. Et effectivement, je peux m'arranger pour arriver juste dans une illusion temporelle qu'on appelle l'heure. Et ça crée de la pratique, cette pratique. La relation avec les autres par rapport à la question qui a été posée, si la personne est en retard, c'est toujours en retard par rapport à... Elle n'est pas en retard, elle n'est pas à l'heure. Elle n'est pas à mon heure. Elle n'est pas à l'heure qu'on a fixé peut-être ensemble. S'il y a deux personnes qui se fixent, est-ce que le fait de vouloir embarquer dans le temps de l'autre, c'est ça finalement qui nous rend la vie inconfortable? Non, c'est le fait de vouloir embarquer dans le temps. Parce que si on a un rendez-vous tous les deux, par exemple, à 17h, moi je m'arrange pour être là à 17h. Mais il y a des empêchements qui font que je ne peux pas être là à 17h. Je n'ai pas à me sentir coupable. C'est ça qui le lot de l'humain, c'est de passer sa vie à se sentir coupable, à se presser, à se stresser, à pas comprendre. Bon, alors j'arrive à 17h45. Si je sors, je travaille avec une personne qui est moindrement un peu évoluée, elle n'a rien à dire. Surtout que moi, je travaille par exemple avec des individus, je sais que s'il n'est pas à l'heure, je ne dis pas qu'il est en retard, s'il n'est pas à l'heure qu'on a fixé, c'est lui, c'est elle, il y a nécessairement des raisons. Moi, je n'ai rien à faire. Et puis, à un moment donné, bien, quand je dois partir, je pars. Il n'est pas là. Ou je m'endors. Ma femme n'est pas rentrée, je m'endors, c'est tout. Puis, tant pis pour elle. Ah, c'est pas ce qu'elle mange. Peut-être qu'elle sait, c'est pour ça qu'elle est en retard. Il compte ses expériences personnelles. Alors, je vais arrêter, là. D'où provient votre connaissance des faits énumérés dans la première partie? Il y a une autre question. Moi, j'ai un problème. Je souffre de perte de mémoire. Peux-tu me rappeler la première partie? On parlait de l'avenir. Ah. Je répète la question? Elle est bizarre. Tu n'avais plus de la question? J'ai oublié la question. D'où provient votre connaissance des faits énumérés dans la première partie? Je les sais. Vous savez que vous vivez, hein? D'où ça vient? Ben, vous le vivez. Alors, quelqu'un peut dire, oui, mais écoute, tu sais, je... Ben, moi aussi, à certains niveaux, c'est aussi tangible que ça. Je le sais. Y a-t-il une issue, une position, dans l'avenir de l'individu? Y a-t-il une issue dans l'avenir de l'individu? Il y a énormément d'issues. On va en reparler dans d'autres conférences, c'est sûr, on n'a pas le temps de tout voir ce soir. L'être humain, premièrement, il a une fonction cosmique. Et il y a plusieurs façons d'accomplir la fonction. Ce ne sont pas des missions, ce sont des fonctions, des mécaniques, des rôles. Et tous les humains vont finir par s'en sortir d'une façon absolument convenable. La problématique, c'est qu'il y en a plusieurs qui auront besoin d'un grand nettoyage. Question numéro 22. Comment se fait-il que je me sois réveillé quelques minutes avant le tremblement de terre? C'est ça. Dont je ne peux prouver l'existence. Est-ce mon corps astral? Vous êtes réveillé pour rien. Est-ce mon corps astral qui l'a senti ou l'ai-je vu dans le temps? De l'énergie vitale, c'est quelque chose qui existe. La fin de semaine dernière, il y a des personnes justement qui ont été faire des petits exercices pour apprendre à repérer l'énergie vitale, à voir l'énergie vitale, à sentir l'énergie vitale. Ils ont appris des exercices, bon, il faut aussi les pratiquer évidemment. Un être humain qui se conscientise devient plus sensible. L'enveloppe de son âme, qui est le périsprit, c'est constitué d'énergie vitale. Alors, cette énergie vitale-là, lorsque l'être humain est de plus en plus centré sur lui, il a la capacité de lire à l'intérieur du corps vital. Alors, on appelle cela dans les techniques PMC, premièrement, expandre son corps vital, ce qui nous permet de l'expandre à travers, par exemple, les murs, l'extérieur, et puis à un moment donné, bien, on saura ce qui se passe à l'extérieur. Les individus, le corps vital, on le voit surtout par le cerveau. Alors, il y a plusieurs personnes qui pensent le voir par leurs yeux, puis quand ils ferment leurs yeux, bien, ils le voient encore, alors ils disent « Ah, tiens, c'est mon imagination ». C'est le cerveau qui voit. D'ailleurs, l'œil est un prolongement du cerveau. Chez le fœtus, le cerveau il commence à croître, et puis progressivement, il y a une partie du cerveau qui s'étend, puis ça crée les yeux. Bon. L'être humain, il est couché, il dort, et son corps vital, intimement en contact avec la tellurie planétaire, donc le corps vital planétaire de type yin, tellurique, et bien à un moment donné, il perçoit un remous dans l'énergie vitale, dans la tellurie planétaire. Son cerveau commence immédiatement à enregistrer, à décoder, dépendamment de sa sensibilité, et il verra que quelque chose qui ne va pas. Il peut se réveiller ou cauchemarder, donc il continue à dormir. Et là, l'ego, lui, perçoit le décodage de l'énergie vitale, donc du remous, et l'ego peut en avoir peur. Une peur basse, une peur tellurique, une peur profonde. Pas une peur panique, mais une peur angoissante, dépendamment des individus. Alors, il va se réveiller. Comme les animaux seront sensibles au tremblement de terre avant qu'ils arrivent, et on ne sait pas pourquoi, enfin, ils ne savent pas pourquoi, et maintenant, nous, on le sait, ils perçoivent ces choses. L'humain aussi. Et l'humain qui se conscientise les percevra de plus en plus. Il y a des individus qui vont se réveiller jusqu'à 15 minutes avant le tremblement de terre. Puis il y en a qui vont déménager 2-3 mois avant le tremblement de terre majeur. Parce qu'il y a des remous, ça s'en vient. Vous savez, un onde sismique, là, ça va lentement, hein? Le son va un peu plus vite. Le son dans le sol va plus vite que le son dans l'air. Et l'énergie vitale, ben ça, c'est pas mal plus rapide. C'est même plus vite que la lumière. Ce qui fait que nous, on le sait. C'est en train, les plaques tectoniques sont en train de bouger. À peine, ils n'ont pas encore commencé à bouger qu'au niveau tellurique, au niveau de l'onde de l'énergie vitale, c'est déjà inscrit. Alors nous, on le sait. C'est pour ça que l'individu s'est réveillé subitement. Et après, ben là, il a tremblé, puis il s'est couché, puis... Que faire pour maigrir? Tu sais, il y a beaucoup de tremblés au Québec. Moi, je pensais que... Est-ce qu'il y a une coïncidence? Je me suis réveillé en pensant que c'était ma femme qui était tombée en bas du lit. C'est pas ça, il a dit que c'est un tremblement de terre. Que faire pour maigrir? Justement, c'est peut-être elle qui pose la question. Et pourquoi il y a des gros et des maigres? Il y a des gros pour que les maigres veulent engraisser, puis des maigres pour que les gros veulent maigrir. Mais, premièrement, on doit comprendre certaines choses. La graisse, c'est fondamental, c'est utile. Tous les êtres humains ont de la graisse. Tous les animaux ont de la graisse de toute façon. Et il y a des corps physiques qui ont une génétique qui les force à avoir plus de cellules adipeuses, donc ils vont nécessairement stocker beaucoup plus. La femme en a plus que l'homme, et il y a des femmes qui en ont plus que les femmes, hein? Puis il y a des hommes qui en ont plus que les hommes. Mais il y a autre chose aussi, votre alimentation. Quand on mange beaucoup de viande avec des hormones à l'intérieur, eh bien progressivement, on stimule. Il y a beaucoup d'ostrogènes, par exemple, qui vont être donnés. Et il y a des hommes qui vont commencer à avoir un développement des seins un peu plus avancé. Bon, pourquoi? Il y a du gras qui va aller se placer là. Il y a des femmes qui, en prenant beaucoup trop de ces viandes hormonisées, vont avoir une augmentation au niveau de l'accumulation des graisses. Les hommes aussi. Une chose. L'autre chose, les graisses servent à cumuler, à ramasser l'expression de l'astral. L'astral, l'ego, s'exprime dans le corps physique par le système endocrinien, par les hormones. Et il s'exprimera donc dans le système endocrinien. L'ego, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut, il veut s'incarner. Il est dans l'âme. L'âme, c'est du périsprit. C'est l'énergie intra-atomique qui permet aux atomes de créer les molécules qui constituent les cellules et le corps physique. Mais il tient à se placer dans le corps. Alors, chaque fois qu'on a une émotion, bonne ou mauvaise, ils sont tous mauvaises du point de vue corporel parce qu'ils détruisent le corps physique à la longue, elles le font vieillir. Chaque fois que nous vivons une émotion, il y a une expression endocrinienne. Le cœur accélère, on sent nos intestins bouger, il y aura, on rougit, on transpire, on blanchit, bon. Et c'est des hormones qui ont été sécrétées. Les hormones vont être stockées au niveau des graisses. Une personne qui vit beaucoup d'émotions, qui est angoissée ou etc., aura tendance à engraisser. Une personne hyper active, hyper nerveuse pourra maigrir parce qu'elle aura une combustion massive au niveau à cause de son activité physique. Mais les graisses servent surtout à stocker, bon, à part stocker les sucres en cas qu'on aurait besoin, là. Mais aujourd'hui, vous savez qu'on n'a pas tellement besoin. On en masse autour de nous autres. Ça sert surtout à stocker nos émotions. Et c'est ce qui va faire en sorte que lorsqu'une personne commence à suivre un régime, elle est plus vivable. En suivant son régime, eh bien, elle se sent colérique, elle se sent angoissée, elle se sent, etc., etc. Les graisses fondant, les hormones sont relibérées, le corps revit les émotions que l'ego a vécues dans le passé, et la personne ne se comprend plus, c'est ça. Alors, on doit se purifier, c'est-à-dire qu'on doit faire fondre les graisses, accepter de vivre la problématique hormonale, donc ne pas se reconnaître, souffrir un bout de temps, puis finalement, on l'éliminera. Pourquoi il y a des gros, pourquoi il y a des minces, c'est une question de génétique. Comme quoi faire pour maigrir, on ne doit pas perdre sa vie à tout faire pour maigrir. C'est comme une recette miracle. Si on se conscientise, on finira par avoir le corps qui sera acceptable par notre intelligence. Alors, évidemment, on commence par manger un peu mieux, c'est évident, mais il y a des personnes qui vont graisser quand même. Progressivement, on finira par avoir le corps physique le plus adapté à l'expression de notre intelligence et non pas le plus adapté à la forme en relation avec la mode. C'est là-dedans, surtout, que ça va se passer. Le télescope spatial Hubble fonctionne à très faible rendement à cause d'une erreur qu'on peut qualifier de grossière par rapport à la technologie actuelle. Y a-t-il une raison occulte à cela? Oui, parce que les cerveaux des... Mais parce que la majorité des humains ne sont pas prêts à se faire défaire les théories de la création qu'on connaît jusqu'à là. Était-ce pour empêcher l'homme de voir trop loin dans l'espace ou trop loin dans le passé afin de le tenir dans l'ignorance? C'est ça. Est-ce qu'un musicien est plus facilement manipulable? La presque totalité des artistes sont effectivement très manipulables par les forces astrales, très influençables, très sensibles. C'est pourquoi on retrouvera énormément d'alcoolisme, de drogue dans le milieu des artistes. Il y a toujours des exceptions, mais normalement, moi, j'en ai connu plusieurs. Et puis, bon, j'en ai connu même qui se droguaient pas et qui buvaient pas. C'était pas vivable, par exemple. C'était une vraie farce. Et effectivement, la majorité sont extrêmement influençables, ça se contrôle aussi, mais pourquoi ils sont musiciens, enfin pourquoi ils sont artistes? Parce qu'ils ont un contact justement très intime avec le monde de la mort, qui lui vient s'exprimer par leurs œuvres. La majorité des artistes, s'ils n'expriment pas, souffrent. On les martyrise pour forcer l'expression. Y aura-t-il des artistes dans le millénium? Bon, le millénium, ça fait référence aux 13 800 années de l'âge d'or de l'évolution de l'humanité qui devrait commencer vers l'an 2023. Parce qu'on aime mettre des dates, là, mais ça commence toujours un peu quand on s'en attend pas. Oui, il y aura des artistes, mais les artistes vont exprimer de l'instantanéité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être reliés au plan astral, au plan de la mémoire, ils vont être reliés au plan d'intelligence. Ça veut dire qu'on parlera, par exemple, d'un musicien, d'un pianiste. Eh bien, il va jouer un morceau, super génial, et puis on va trouver ça très beau. Et puis, on l'écrira pas, on le rejouera peut-être jamais après. On jouera toujours des nouveaux morceaux super génial. Ils vendront pas beaucoup de cassettes? Non. On fera plus de conférences? Oui, mais on les enregistrera pas. Ben, j'espère en 2023 que je vais être à ma retraite. Moi, j'ai... Il va être à sa retraite. Moi, j'espère. Moi, je me suis dit, en tout cas, à sa retraite. Non? Suis-je à ma retraite? Peut-être que oui. Oui. Au fond, c'est ça. Je suis mieux de souhaiter pas changer. Lorsque l'on effectue une énergisation ou que l'on l'a subie, comment peut-on canaliser l'énergie cumulée pour en bénéficier au maximum au lieu qu'elle se dissipe graduellement? Bon, ça, c'est une question qui est très grande, hein, de grande envergure. Et on ne peut pas la répondre comme ça, Pinotte, sans compter un paquet de mensonges. Sinon, il faut dire la vérité. Puis quand on dit la vérité, c'est toujours un peu un coup de poing. C'est frappant. Alors, souvent, les individus préfèrent les mensonges, parce qu'on peut compter des salades. Lorsque l'on effectue une énergisation ou qu'on en subit une, comment peut-on canaliser l'énergie cumulée pour en bénéficier au maximum au lieu qu'elle se dissipe graduellement? Ou l'individu sait déjà ce qu'il doit faire, ou l'individu doit apprendre comment le faire. S'il doit apprendre comment le faire, l'individu doit s'informer. L'individu ne peut pas procéder, par exemple, juste d'une conférence où on donne des mots. On doit montrer des technicalités qui vont faire en sorte que progressivement, l'individu va être capable de faire circuler l'énergie sur lui, de la faire circuler à l'intérieur, de la contrôler au niveau de son système respiratoire, de la contrôler au niveau de son système neuronique, de l'envoyer là où il veut, et finalement de développer une autorité mentale dans l'astral, donc là où il y a des grands réceptacles d'énergie. Alors, je sais comment on fait. Il y a des individus qui apprennent progressivement comment le faire. On ne peut pas répondre en conférence comment on fait ça. La confrérie de la table ronde fut-elle créée dans le passé, le futur, ou est-ce aussi une création instantanée? Ça existe toujours. Non, faut que tu boives quand je réponds longtemps. C'est tout. Mais c'est la réponse. Ça a toujours existé, ça va toujours exister, ça existe toujours jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de temps, qu'il n'y ait plus d'espace, qu'il n'y ait plus rien, puis qu'on n'ait jamais été là. Exact. Donc, ça n'aura jamais existé. C'est ça. Mais je répète encore une fois, pour ceux qui sont terre à terre un peu plus, on doit présentement, à cause de l'ego qui habite le même corps physique que nous, continuer à conserver la théorie du temps, que le temps existe. Tout en sachant mentalement que ce n'est pas ça. Donc, ça a existé dans le passé, ça existe présentement, ça va exister dans l'avenir. C'est satisfaisant pour l'ego, c'est une illusion convenable, utilisable. Mais on sait évidemment que ce n'est pas ça. Où s'en va le paquebot? Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais coulé mon cours. Où s'en va votre chaloupe, M. Kam? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai dit que j'avais coulé mon cours. C'est en prévision de cette question. Mais il a dit la pose quand même. Franchement. Pas à peine encore de répondre aux questions. Alors, j'ai une réponse. Où s'en va le paquebot? C'est une réponse que je donne surtout au niveau du séminaire. Pourquoi? Parce que ça prend plusieurs heures à expliquer, surtout qu'il faut beaucoup de données. Je peux résumer en disant que le rôle fondamental de l'humain, c'est de retourner vers le centre source, ce que les religions disent. À la KEMP, ça se traduit en faire en sorte que l'univers n'ait jamais existé. Donc, notre rôle est effectivement de résorber tout le temps, tout l'espace. Toutes les religions vont dire des choses similaires, mais d'une façon plus spirituelle, ça sera de faire l'homme a comme fonction de faire en sorte que la matière devienne lumière. Bon, en tout cas, après le passage d'une bombe nucléaire, il ne reste plus grand-chose. Où s'en va votre paquebot, M. Kem? Votre chaloupe. Votre chaloupe? Ah bon. Ah ben oui, c'est une chaloupe. Chaloupe. Ça veut dire ça manque. Chaloupe la cible. C'est ça, chaloupe. Ma chaloupe, elle va uniquement où je vais moi, et il n'y a personne qui présentement est assis dans ma chaloupe. Ce qui fait que ce n'est pas important de savoir où va ma chaloupe, pour la simple raison que ce n'est de toute façon pas là où va aller la vôtre. Oui. On peut-tu tous se suivre avec chacun notre chaloupe? Sans se suivre, mais aller. J'ai un bon moteur. Ok. Tu t'as volé ton gaz. Qu'est-ce qu'un neutrion? Ça marche pas à l'essence, mon moteur. Ça marche justement. Qu'est-ce qu'un neutrion? Ça marche au neutrion? Non, ça marche pas au neutrion. Qu'est-ce qu'un neutrion? C'est une particule d'énergie. Le neutrion, c'est. C'est un agglomérat d'énergie, c'est une particule d'énergie qui sert à alimenter les forces astrales. Le neutrion, c'est une quantité de mesure. On peut dire que le neutrion, c'est comme un joule. Tu sais ce que c'est qu'un joule? Oui. On va dire un électron-volt. On va dire un volt, c'est encore plus simple. Encore là, plusieurs personnes ne savent pas ce que c'est qu'un volt. Un volt, d'ailleurs, c'est une vitesse. Bon. Alors, on va dire qu'un neutrion, c'est une quantité. C'est une quantité, c'est le terme. Chaque fois que Charles, ici, par exemple, découvre que sa femme est encore tombée sur le plancher, eh bien, il sécrète, il vit de l'émotion. Et dans sa sécrétion émotive, il exprime énormément d'énergie. Et son énergie est une énergie qui va nourrir le monde de la mort, le monde astral. Et cette énergie, elle est quantifiable. On peut la placer en quantité. Un nutrion, c'est une quantité particulière d'une énergie créée par l'humain qui nourrit le monde de la mort. Astral. Oui. Donc, on peut dire, par exemple, que quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui se donne un coup de marteau sur le pouce, émet 450 nutrions. Alors, quelqu'un, par exemple, qui se fait violer, émet des milliards de nutrions. Ça nourrit le monde de la mort. Et cette nourriture, ce quantum d'énergie est extrêmement essentiel au monde de la mort. Et c'est pourquoi les religions vont tout faire pour que l'humain vive de l'émotivité, que l'humain vive une émotivité culpabilisante, que l'humain vive une émotivité de honte, que l'humain se fasse la guerre, que l'humain se plaise, s'aime plus, s'haïsse, se jalouse, ait peur et s'inquiète, parce que c'est ça qui nourrit le monde de la mort. Et on compte ça en quantum d'énergie qu'on appelle nutrion. Pourquoi savoir, pourquoi le temps, pourquoi l'astral? Pourquoi? Ça se rapporte un peu à ce que tu disais au départ, au début de la conférence, c'est qu'il y a des dangers à un moment donné. Ben, tu n'as pas dit les termes, là, mais on venait un peu sur la personne qui ne sait plus trop, puis on n'a pas de libre arbitre, puis ça ne vaut pas la peine de rien faire, puis finalement, ben, pourquoi savoir? Pourquoi le temps? Pourquoi l'astral? Pourquoi? Et là, on se rapproche d'une mentalisation qui peut parvenir à nous arrêter. Et on doit, dans l'évolution, être dans un équilibre instable. On ne doit pas être stable et on ne doit pas être... Donc, on ne doit pas être en équilibre. C'est un équilibre en mouvement. Pourquoi savoir? Si c'est l'ego qui pose la question, il n'y aura pas de réponse parce que le savoir, ça va finir par vous libérer de l'attraction du monde de la mort. Donc, si vous atteignez le savoir, qui est la conscience supramentale ou l'esprit saint, c'est la même chose. Si vous atteignez le savoir, vous ne mourrez plus. Le corps physique, on s'en fout, vous ne mourrez plus. Et l'ego, lui, sera totalement dissous, ce qui fait que pour l'ego, savoir, c'est vraiment pas intéressant. C'est pourquoi l'humain est toujours attiré par sa conscience vers le neuf, et il est toujours limité et freiné par son ego, par sa tradition, parce qu'il en a peur. C'est le mental qui pose la question, donc c'est une mentalisation, il n'y a aucune réponse. Pourquoi savoir? Pour rien. Bon. Pourquoi le temps? C'est le mental qui pose la question, il n'y a aucune réponse non plus. Pour rien. Pourquoi l'astral? Pour rien. La mentalisation, c'est le gros problème de l'individu qui part de la spiritualité à la conscientisation. Entre les deux, l'atteint le mental. Et le mental va faire en sorte, à un moment donné, « Oui, mais si on est tous manipulés, qu'on ne parle pas de rien faire, même ça, c'est manipulé, puis je m'en fous, puis même ça, c'est manipulé. Puis pourquoi vivre? Pourquoi mourir? Pourquoi être là? Pourquoi rien? » Puis l'individu finit par vivre dans une stagnation qui est souffrante sans souffrance, qui, bon, c'est pénible. C'est un problème, c'est un gros problème. Et on doit parvenir à briser cela. C'est pas tout le monde qui va vivre ça, il y en a qui vivent ça. Et là, on a un paquet de questions qui ne mènent nulle part. Donc, je ne peux pas répondre non plus. Je pourrais donner de l'énergie à l'individu qui lui ferait, si je jase avec lui, par exemple. En jasant avec lui, ben là, il se réchaufferait suffisamment au niveau mental. Et là, il atteindrait, il développerait, il déconnecterait son ajusteur de pensée du plan astral. Et là, il aurait des informations neuves, ce que le mental n'a pas. Et là, subitement, il pourrait comprendre. Et par la suite, si je cesse de parler avec lui, bien lentement, il va se refroidir et puis il peut retourner dans la mentalisation. Et à la longue, il finirait par parvenir au phénomène supramental. Pourquoi savoir? Parce que le savoir est une question d'énergie. L'évolution de l'homme, de la femme, de l'enfant est uniquement une question d'énergie. Ce que je dis n'a finalement pas d'importance. C'est l'énergie qui est communiquée par le mot, par le concept, par la forme, par la voix. Pourquoi le temps? Le temps n'existe pas. Le temps, c'est quelque chose qui est engendré uniquement par des mécaniques temporelles, par des mécaniques mémorielles, pardon. La mémoire n'a pas besoin de temps pour exister, sauf que la mémoire a besoin de temps pour assujettir l'humain, pour que la mémoire puisse s'établir dans l'homme, l'homme d'une création de mémoire. Je parle de l'ego. Je ne parle pas de la conscience. Et pour répondre à ces questions, c'est des questions réellement de type séminaire, c'est des questions qui s'adresseraient plus à des... qu'on pourrait répondre intégralement une conférence réservée aux séminaristes. Pourquoi l'astral, même chose? L'astral, c'est uniquement la mémoire de l'intelligence, la mémoire de la création, c'est la mémoire de la conscience. Et nous sommes constitués de mémoire, donc de mémoire astrale, où nous avons une mémoire du Père Créateur, une mémoire du passé, une mémoire de tout, une mémoire de la conscience. On a même une mémoire de l'amour. Mais tout ce qui est dans notre mémoire est faussé. On aime une chose, on n'aime pas une autre chose, alors que l'amour, ça aime tout. Alors, pourquoi, on peut répondre, uniquement si l'individu n'est pas donc intellectuellement planté dans une mentalisation, et sinon, ben, ça on n'a pas le temps. Est-il vrai que, durant les années 40, les Américains auraient tenté de faire disparaître un bateau dans le port de Philadelphie? Non. Ils ont réussi par deux fois. Un sous-marin et un bateau. En utilisant une technologie extraterrestre? Intraterrestre. Il y aurait eu trois survivants, dont un... Il y en a eu plus que trois. Dont un fera une conférence bientôt à Montréal. Ah, il y en a eu plus que trois. À moins, évidemment, qu'on ait éliminé les autres. Regardez ceci. Un sous-marin de type nucléaire a fait des expériences dans le triangle du Bermude, des Bermudes dans la mer du Diable. Et après ces essais particuliers, ils ont volontairement laissé des traces radioactives, donc ionisantes, en arrière d'eux. Et ils ont fait un 8 en termes de signes. Et subitement, le sous-marin est disparu. Il est apparu au port, dans un port militaire à San Francisco. Et il est resté là quelques heures. Il est redisparu. Il est réapparu dans l'Atlantique, dans le triangle du Diable, dans le triangle des Bermudes. Ils ont fait l'expérience deux fois. Et les individus avaient une problématique, c'est que leur corps vital avait totalement été déphasé, ce qui fait que les individus étaient brûlés. Alors, de temps en temps, ils disparaissaient, une partie d'eux disparaissait, elle revenait, ça faisait mal. Et ils sont encore traités dans des hôpitaux militaires aux États-Unis. On a recommencé l'expérience avec un appareil qui permettrait, et là, on parlait de travail à travers une porte du temps, c'est-à-dire qu'on essayait, en réalité, à travers des mondes parallèles. Et ils ont recommencé avec une technologie intraterrestre à Philadelphie, justement, plus loin de Philadelphie, mais les bateaux étaient attachés au port de Philadelphie. À la base de Philadelphie, ils ont recommencé et le bateau, ce qu'il devait faire était une ouverture dans une porte temporelle et ça a fonctionné. Ils ont donc fait ce que moi j'appelle, ce que j'enseigne dans certaines techniques du PMC, c'est qu'ils ont courbé l'espace-temps. Donc ils sont partis de l'année où ils étaient pour aboutir dans un espace-temps beaucoup plus tard, près de 30 années plus loin. Mais les corps vitaux, étant donné que ce n'est pas par la conscience que ça se fait, c'est par une technologie qui n'est pas adaptée au corps vital et au corps physique planétaire actuel de l'être humain, il y a eu encore un déphasement. Donc, il y a des individus qui se sont retrouvés totalement fondus à même le bateau. L'énergie vitale, ce qui maintient la forme du bateau, la forme des êtres humains, la forme de tout, a été oubliée pendant quelques instants. Vous avez vu le film La Mouche, peut-être? On téléporte un individu, puis une mouche en même temps avec lui. Quand il revient de l'autre côté, il y a une partie de mouche qui est sur lui, une partie de lui qui est sur la mouche. C'est similaire. C'est pas une téléportation qui s'est passée, mais l'énergie vitale étant mélangée, la structure atomique des corps physiques et du bateau se sont mêlées. Il y a eu donc une quantité intéressante de morts pour les militaires. Et puis, il y a eu effectivement quelques survivants qui ont vécu des problématiques de déphasement vital, etc. Puis, il y a des individus, donc, qui... Oui, c'est totalement authentique. Qu'est-ce que la programmation chez l'homme? Y a-t-il différentes programmations? Si oui, expliquez la différence. Un point commun, elles sont toutes mauvaises. La programmation chez l'homme, elle est biologique, vitale, psychologique, donc astrale. La psychologie, c'est la relation qui existe dans l'âme entre la mémoire, les désirs et l'émotion. L'émotion, c'est une expérience qu'on vit à l'intérieur de l'âme, et l'expérience, c'est ce qui est vécu à l'extérieur par les corps physiques. La programmation, c'est soit votre corps physique, quand vous regardez avec l'œil, vous voyez par exemple du doré, mais peut-être que vous voyez jaune, bleu, vert, mauve, et nous appelons tout cela doré, donc on s'entend tous pour dire que c'est doré, mais on voit peut-être absolument pas ça. C'est une programmation physique, mais il y a autre chose. Vous entendez un son, ça vous met en colère. Programmation physique qui va avoir une incidence astrale. Vous voyez du sang, vous perdez connaissance. Programmation physique qui aura une incidence psychologique. Maintenant, la programmation psychologique, elle va déterminer comment vous allez vivre émotivement votre vie. Et ce n'est pas vous, ça. Mais c'est souvent ce qui va faire office de 99% de notre vie. La programmation va être que les noirs, c'est à détester. Si on vous répète ça sans arrêt, il va venir un temps que dans votre psychologie, dans votre astral, dans ce qui va constituer votre ego, quand vous allez voir un noir, ça va immédiatement appuyer sur un levier où les noirs, c'est détester, puis immédiatement, vous allez les détester. C'est la programmation. On peut reprogrammer l'ego. Vous êtes petit, vous êtes médiocre, vous avez peur, vous transpirez, on peut reprogrammer l'ego. l'être humain peut reprogrammer son ego complet, ce qui va lui permettre, en le reprogrammant, d'avancer. Sauf qu'on ne peut, on ne doit pas permettre à quelqu'un de nous reprogrammer. On doit reprogrammer l'ego nous-mêmes. Ça aussi, ça s'apprend. Il y a donc différentes façons de programmer. La programmation, elle est toujours négative, nuisible. Alors, si on reprogramme l'ego, ça va nous aider. Mais on doit parvenir à ne plus avoir besoin d'ego, à ne plus avoir besoin de mémoire. On doit parvenir à être totalement le maître, contrôleur chez soi, de ce fait, ne plus avoir de programmation. Que faire lorsqu'on se sent, lorsqu'on se sait manipulé jusqu'à la moelle, lorsqu'on sait que chaque pensée, émotion et geste est née en dehors de nous et que tout cela ne nous fait pas rire autant? Je sens monter une apathie devant l'infini du travail à accomplir. Première chose, le travail à accomplir est déjà accompli. Fait que rassurez-vous, vous n'aurez pas trop à travailler. Vous savez, l'être humain... Bon, très, très brièvement pour répondre à la question ici. La création, c'est quelque chose qui est déjà accompli. Sauf que l'être humain est la particule qui doit ramasser la mémoire de la création pour résorber le temps et l'espace. Bon, c'est comme complexe, mais il y a des êtres humains qui vont parvenir dans pas grand temps à courber l'espace-temps. Le soleil le fait, la Terre le fait. D'ailleurs, on est collé sur la planète Terre parce que la Terre courbe l'espace-temps à son voisinage, ce qui fait qu'on ne peut pas la quitter, à moins qu'on voyage plus rapidement que sa gravitation, c'est-à-dire qu'on voyage, par exemple, à 11,2 km à la seconde. Est-ce qu'on ne fait pas, hein? À part en fusée. Ou en fusil. Et l'être humain, dans quelques temps, aura suffisamment de gravité énergétique chez lui pour courber l'espace-temps. Cela veut dire qu'il sera capable de partir de l'an 1990 et se retrouver en l'an 2847. Ou en l'an 4000 quelque chose. Ou en l'an, si on part du début, en l'an 22,845,795,044. Ou, à un moment donné, il n'y aura plus de temps. Il sera déjà rendu à l'embouchure. Et énormément de véhicules créés, ce sont des humains, ce sont des androïdes, des humanoïdes, ce sont des évolunoïdes, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui ont des caractéristiques évoluantes, mais qui n'ont pas les corps comme on les connaît. Beaucoup de ces phénomènes qui ont été effusés vont vivre un processus de fusion assez lent, et eux vont aussi faire le chemin. Il y a des êtres humains qui vont courber l'espace-temps parce que la façon dont ils sont conçus, c'est ce qui va leur arriver. Courbant l'espace-temps, ils vont servir de fanal à l'intelligence qui va de plus en plus tendre à s'expandre dans l'univers. Et bref, je passe encore des petites étapes. Ce qui fait que ne pensez pas que le travail est extrêmement long. Le travail est exponentiel. Ça veut dire que plus ça avance, plus ça va vite. Alors, quand on regarde en arrière, il n'y a à peu près pas de dénivellation entre la ligne zéro et la ligne évolutive de l'homme. Mais à partir de l'an 1900, c'est extrêmement différent. À partir de la première guerre, c'est extraordinairement différent. À partir de la deuxième, c'est phénoménalement différent, phénoménalement. Mais encore là, c'est très, très, très, très ténu sur la ligne zéro. Et plus ça va vite. C'est pas la distance, c'est la vitesse qui est importante. Alors, si on a une grande distance à parcourir et qu'on voyage très rapidement, on s'en fout de distance. Et plus on évolue, plus ça va vite, ce qui fait qu'on ne doit pas se fier à notre ego pour savoir que le travail est fini à accomplir. Y a-t-il nécessité de projection dans le temps, tant et aussi longtemps, que l'intelligence n'a pas complètement fusionné avec un humain? Oui, parce que la majorité de ce qui va se fusionner avec l'humain provient de ce qui, pour l'humain, est l'avenir. Cette projection peut-elle servir d'apprivoisement entre l'intelligence et l'humain? C'est ce à quoi elle sert lorsqu'elle est faite d'une façon écologique, et j'appelle cela de l'utopisation. On doit apprendre à utopiser. Après, devient-on le « je suis » sans temps ni espace? Après, on s'en fout. Parce que quand on est... on est... Pourquoi les gros se font-ils... écœurés par les maigres? Oui, ouais, c'est ça. Pourtant, je l'ai mis en arrière. Je fais attention à ne pas regarder. Pour la simple raison que l'être humain est manipulé et qu'on a besoin de nutriments, ce qui fait qu'on vous écœure, les gros uniquement, parce que quand on vous écœure, vous êtes manipulé, vous êtes charriable, ça vous fait sécréter, vous transpirez, vous nourrissez le monde de la mort, ben on va continuer à vous écœurer. À un moment donné, quand ça vous dérange absolument plus, vous allez commencer à maigrir. Au point de départ, une énergie sous-tend tous nos gestes et actions. Par la suite, avec un décalage d'une fraction de seconde, l'énergie astrale vient tout colorer, c'est-à-dire justifier tout ce que l'on fait, donnant ainsi l'impression du libre-arbitre. Comment déceler tout le temps et surtout rester dans cette énergie non colorée? Je vais résumer la réponse. Adoptez l'esthétisme de vie. Ce que vous faites, est-ce que c'est esthétique? Faites-le. C'est la meilleure façon de discerner. Et quand je parle d'esthétique, c'est une esthétisme que vous allez reconnaître. Et pas une esthétique, c'est un esthétisme collectif. Est-ce que pour vous, c'est esthétique de donner une claque en plein visage à quelqu'un qui est gros? Parce qu'il est gros. Si c'est esthétique, faites-le. Peut-être pas sécuritaire, mais... Dans la raison. Mais les gens qui se conscientisent ne pourront pas le faire, ce n'est pas, il y a quelque chose qui... Alors on n'a pas besoin de commandement de Dieu, de loi, on n'a plus besoin de rien quand on est capable de se centrer sur notre intelligence. Non, ça se fait pas. Ça se fait. Mais, voilà. À la journée que vous vous surprenez à le faire, vous pouvez vous dire, c'est vrai, je suis manipulé. Ça reste vous aussi con. C'est pas parce que vous le faites que c'est intelligent. Mais tu vas te ramasser handicapé et manipulé. Ouais. À cause que le gros, il n'aimerait pas ça. Mais on doit comprendre qu'on doit se servir de l'esthétisme. C'est très, très, très, très simple, la beauté. Vous savez, la mémoire de l'esthétisme supramental, c'est l'art. C'est la beauté spirituelle. Mais la beauté spirituelle, elle a un défaut. Elle n'est pas intelligente. Quelqu'un qui a une beauté spirituelle se fera nécessairement exploiter par les autres. Il ne pourra pas s'en sortir. Il sera un martyr à la longue. Alors que si on a de l'esthétisme supramental, c'est de la beauté. Mais là, ce n'est pas la mémoire spirituelle de la réalité. C'est ça qu'on va appliquer, c'est de la réalité. Et là, on ne se fait pas avoir. Puis on n'est pas chien pour autant. Quelle est la mécanique qui fait que l'on attire des vampires? Vous avez du bon sens. Allez vous faire faire une transfusion. Votre corps vital est suffisamment décollé de vous. Alors, je vais vous donner une petite technique facile. La mécanique, c'est simplement parce que votre corps vital est facilement suçable. C'est-à-dire que si vous pratiqueriez, par exemple, le médiumnisme, c'est-à-dire que vous essayez de rentrer en contact avec le monde des morts, et puis vous voulez faire apparaître un mort, faire bouger une table, créer des ectoplasmes, vous allez être bon. Très bon. Parce qu'on peut prendre votre corps vital et s'en servir pour créer des phénomènes ectoplasmiques. Et les vampires, ben, nécessairement, ils se nourrissent d'énergie vitale. Pas de sang, d'énergie vitale. Alors, on mange de l'ail. L'ail, ça a l'ail fou comme ça quand on le dit, mais l'ail, ça a l'avantage, c'est que ça colle le corps vital au corps physique. C'est pourquoi ça a souvent été appelé comme une espèce de panacée au niveau des cures. Ça guérit presque tout. Non, le corps vital, c'est l'énergie vitale. C'est yin et yang et ominal. L'acupuncture connaît yin et yang pour l'instant. Et l'acupuncture, elle a raison souvent quand elle dit qu'une maladie est un débalancement des structures énergétiques. Mais un corps vital qui ne sait pas trop s'il se tient là ou pas, vous allez être malade. En mangeant de l'ail, il vient se coller. S'il vient se coller, vous allez guérir un paquet de maladies. Mais pas uniquement à cause du principe même de l'ail, au niveau physiologique. Mais au niveau vital, oui. Alors, en mangeant de l'ail, ça va aider. Ça fait fuir les autres aussi. L'oignon fait la force. Puis l'ail, ben, ça donne l'air bête. Si tu t'intéresses à une fille intelligente et que... Tu ne peux pas t'intéresser à une fille intelligente. Ah non? Pas parce que ça n'existe pas. Je te coupe tout de suite. On devrait s'intéresser à l'intelligence. Qu'elle soit une fille ou pas? Oui. OK. Bon, imaginons, si tu t'intéresses à une fille intelligente et qu'elle te repousse parce que tu es obèse, que faire? Parce qu'elle n'est pas intelligente. Vous projetez des choses, il y a des choses qu'elle peut combler chez vous, ça vous rend faible, ça vous rend dépendant, ça vous rend sujetti à l'espoir de l'avoir. On va vous charrier en maudit. Vous avez une faiblesse, vous vivez dans l'espoir de la tête. Ben, on va vous ramasser, oui, un instant. Surtout si vous êtes intelligent, vous. Si vous êtes conscientisable, on va vous ramasser comme il faut. La journée, vous allez dire, ben écoute, là, je vais commencer par m'occuper de moi. Pas de mon obésité. Vous allez perdre du temps. Perdre de votre vie. Alors, si on finit par écouter, ben, moi, je vais évoluer. À un moment donné, inquiétez pas que... Ça, vous devez comprendre une chose. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont en couple. Il y a une couple de couples. Et regardez-leur le visage et le corps physique. Pour la majorité, vous allez les trouver laids. Comment ils font pour s'habiller et se trouver beau? Le cerveau corrige tout. Sa femme, elle l'aime. Parce qu'elle a un cerveau qui travaille en maudit. Elle a beaucoup elle a beaucoup d'imagination. Mais le cerveau corrige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je rencontre un individu puis je le trouve physiquement pas beau. Puis à un moment donné, ben, il est pétillant, il est énergétique. Puis si je le regarde comme il faut, là, il est mauditement plus beau qu'avant. On embellit en évoluant. Pas sa photo. Sur ce que les gens perçoivent. Le reste fait partie de l'illusion de l'astral. Alors, on peut être laid uniquement parce que notre ego, l'ego de l'autre. La femme qui va finir par vouloir se rapprocher de vous, elle vous trouvera pas gros. Puis quand vous allez lui dire, ouais, mais je suis un peu obèse, ça va vous dire, non, je trouve pas. Vous allez dire, écoute, t'es menteuse. Non, elle regarde pas les chiffres, ça balance. Elle vous regarde, là, puis elle vous trouve pas obèse. Le cerveau va rectifier. Mais l'autre personne, elle est correcte. C'est une bien bonne femme. Sauf que présentement, elle vous vous faites ramasser comme il faut. Puis on s'en sert. On va s'en servir. Je te défends de faire des farces sur mon sujet encore. Bon, d'accord. Si l'homme est l'absolu prisonnier de l'illusion temporelle, le chemin n'est-il pas de plonger dans le soi absolu par la méditation intensive comme l'enseignent les Écritures de l'Inde? Non. Pourquoi? Parce que les techniques des anciennes Écritures de l'Inde enseignent aux anciens humains de l'Inde, donc la race aryenne, à faire des choses pour que l'humain finisse par éclore à une nouvelle forme d'être-té, à une nouvelle race, vous. Et maintenant, on doit faire autre chose que ce que l'antique Inde enseignait. Méditation supramentale qui se fait uniquement par le verbe, il y a plusieurs choses que l'on devra faire. Et vous allez voir que l'absolu, on peut le percer comme il faut. Mais pas en allant dans le soi, parce que ce soi-là est maintenant totalement révélé. Vous allez fouiller dans les mémoires de votre soi, si vous faites cela, et vous n'arriverez pas à vous en sortir. Ça va être joli, brillant, beau, éclairé et inutile. Qu'est-ce qui génère l'état de résistance et de souffrance présent que je vis? Sur quoi travailler pour le transformer créativement? Tu me passes la feuille? Oui, ben, je vais lire les deux autres questions d'abord. Quel est le point de départ et ai-je besoin d'un support extérieur, thérapie ou autre? Bon. Alors, j'avais déjà la vibration qu'effectivement, thérapie ou autre, ça peut être intéressant. Il faut faire attention. Quand on parle de support extérieur, c'est pas un problème. On est l'amalgame de quasiment la même chose, ce qui fait que j'aide Charles que Charles m'aide. Finalement, on a même affaire en haut. Fait que c'est, quand il m'aide, il s'aide. Nous nous aidons. On doit ne pas être assujetti à l'aide extérieure. Mais quand vous prenez une automobile, vous n'êtes pas un imbécile esclave. Vous êtes un être humain logique, intelligent, qui se sert d'un outil parce que c'est plus rapide. Quand on va se servir d'une thérapie, d'un cours, de quelque chose d'extérieur, si on sait ce que l'on fait, c'est un outil. Oui, mais c'est un humain qui nous dit, c'est un outil. Et un outil, on l'utilise. On ne devient pas l'esclave de l'outil. Quand il n'y en a plus besoin, on le sert, on le laisse, on le donne, on le vend. Qu'est-ce qui génère cette résistance, souffrance? Présentement, l'individu est réincarne, il doit digérer des mémoires. Il y a des choses qui sont passées chez lui et il doit les digérer, il doit les supporter. Sur quoi travailler? Ben, c'est ça. La personne, elle aurait effectivement intérêt à rencontrer des individus, à jaser avec des personnes. Ça devient un support extérieur. Ce n'est pas grave, c'est correct, c'est convenable. Ça serait intéressant qu'elle rencontre des individus. Une thérapie ou autre, ça n'a aucune importance, là. Mais faites attention, ne devenez pas assujetti aux médicaments. C'est tout. Comme assujetti à Daniel Kemp, tu sais. On ne peut plus se passer d'un vendredi sans venir à sa conférence, parce que sinon, on se dit, crime, qu'est-ce que j'ai manqué? Vous savez, vous n'avez rien manqué si vous venez pas à une conférence. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. On n'en a rien à faire. Tout ce que vous auriez manqué, là, je ne le dirai pas, vous ne serez pas là. Je n'ai absolument rien manqué. On doit faire attention pour ne pas devenir drogué du médicament, du support extérieur. Que ce soit une pilule, que ce soit un être humain, un livre, un film, une sortie, c'est plaisant, ça va. On s'en sert. Mais faut faire attention pour ne pas être asservi. Parlant de support extérieur ou de parler à d'autres personnes, j'oublie toujours de le mentionner, mais au commensal, à la fin de la, la conférence, il y a toujours une section qui est réservée au deuxième étage pour ceux qui veulent continuer à placoter. Le restaurant commensal, c'est sur Sherbrooke au coin de Saint-Denis. Sur Saint-Denis au coin de Sherbrooke. Les deux. Les deux pas. Qui ou quoi est l'intelligence? Je vais faire quelques conférences dans les mois à venir sur l'intelligence. J'en ai déjà fait beaucoup qui sont sur cassette. On parle d'intelligence supramentale. En résumé très bref, ce n'est pas qui, ce n'est pas quoi. L'intelligence, c'est une mécanique spontanée, donc instantanée, qui ne découle pas du temps et de l'espace. Cela veut dire que ça ne peut être qui, ça ne peut être quoi. L'intelligence, c'est quelque chose d'instantané qui n'est pas tributaire des mémoires expérientielles de l'homme, de la femme ou de l'enfant. L'intelligence, c'est quelque chose qui nous amène le savoir. La connaissance est mémorielle. Je connais Montréal. Je connais Charles. Je connais pas que je vis. Je sais que je vis. Je connais la mécanique. Je ne peux pas dire je sais la mécanique. Le savoir est amené par l'intelligence. Ça nous permet de savoir instantanément ce que l'on a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. Et ça, ça crée une problématique, ça rend l'ego insécure. L'ego, il se dit, écoute, je vais faire une conférence sur un sujet, mais là, j'ai rien de préparé, puis j'ai rien lu, puis je sais rien. Ben, t'as qu'à te connecter à l'intelligence supramentale, à toi, à ton esprit, puis tu parleras, ajusté aux individus qui seront là. Ah oui, mais tout d'un coup aussi, l'ego a toujours peur. Et c'est l'ego qui va devenir le plus grand frein parce que l'ego ne vous autorisera jamais à être en contact avec vous-même. Okokokozuke. L'intelligence supramentale, ça vous permettra de savoir uniquement, instantanément, ce que vous avez besoin de savoir lorsque ce sera nécessaire. Alors, on va vous dire, bon, ben, est-ce que tu sais c'est quoi, par exemple, quel est le chemin qu'il faut prendre pour aller à telle place? Bien, vous êtes connecté au plan supramental et vous allez répondre. Non. Ah, il me semblait qu'intelligence, ça va tout. Oui, mais je ne vais pas là, donc je ne le sais pas. Je n'ai pas besoin de le savoir, c'est pas là que je vais. C'est tellement simple. Et une personne qui ne comprend pas la mécanique, tu sais, un sage, une personne qui est connectée, ça c'est tout. Ça c'est tout ce que ça a besoin de savoir, lorsque c'est nécessaire. Et quand l'ego finit par s'adapter à ça, l'ego devient sécurisé totalement. Il ne recherche plus la connaissance parce qu'il a le savoir. Comment peut-on ne pas faire confiance au temps quand toi-même tu fixes des heures? Tout à l'heure, j'ai expliqué dans la première partie, je suis revenu un peu là-dessus ici, dans le contexte planétaire, étant donné que toute notre structure de démarche est basée sur une illusion, elle est utilisable. Utilisons-la. Sauf que moi, je fixe peut-être des heures. Mais jamais, jamais, jamais, je n'ai été manipulé par le temps. C'est-à-dire que je n'ai jamais été inquiet, je n'ai jamais été en retard, je n'ai jamais enguirlandé quiconque, je ne suis pas manipulé par ce genre de vecteur au niveau de la psychologie. Parce que je sais qu'on joue dans le marasme, dans l'illusion. Mais ça fonctionne. Les cours d'astronautique, les cours de capitaine au long cours, mes cours de navigation hausturière, c'est parce qu'il y a la navigation, il y a le cabotage, que tu connais probablement. Les cabotins connaissent. Les cabotins, ce sont des bateaux qui font de la côte. Hein? Ils naviguent seulement sur le bord des côtes. Ils marchent avec des amers. Il y a vu. La navigation hausturière, j'ai réussi mes cours. Et je sais donc qu'on fait le point avec des étoiles. Ces étoiles-là n'existent plus. Mais ça fonctionne. Alors, je ne suis pas pour me dire, écoute, je ne suis pas pour faire ça à cause qu'ils font. Non, ça fonctionne. Mais je ris que ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, c'est un peu la même chose pour ça ici. Comment peut-on, par exemple, ne pas faire confiance au temps? Bien, comment pouvez-vous faire confiance à quelque chose que vous ne pouvez pas ni toucher, ni prouver, ni palper, ni sentir? Tout ce que ça peut faire, c'est être présent dans l'instantané chez nous avec des choses qu'on ne peut pas prouver, pas vérifier. Puis fixer les heures, c'est une question de mécanique. Tout évolue, tout se déplace, nous nous fions aux mémoires. Ça, c'est le temps. C'est pas le déplacement. Que mon heure parte, par exemple, de 22h à 23h, il n'y a pas eu de déplacement dans le temps. C'est une illusion. Je vous pince. Tiens, amène ta main. Laisse faire. Oui, j'aime ce genre. Ouais. Imaginez qu'il me pince. Quand on vous pince, vous essayerez l'exercice ce soir, vous vous pincerez avant de vous coucher. Quand vous vous pincez, ça fait mal. Ouch. Si ça fait pas mal, ça vous pincez pas assez fort. Bon. Quand vous pincez, ça fait mal. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que pourquoi ça fait mal? La douleur, elle arrive à votre cerveau. C'est instantané. Ça dit « j'ai mal », ça arrête. C'est une dépolarisation. Et ça recommence. Pouf, j'ai mal, ça arrête. Ça recommence. Pouf, j'ai mal, ça arrête. C'est très rapide. Comment pouvons-nous avoir l'impression de douleur? Torpinouche, parce que de toute façon, la douleur, elle est là, et puis là, elle est là, et puis là, elle est là. C'est tellement rapide que finalement, ça n'a même pas le temps d'être là. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous additionnons, nous mémorisons. Et quand il y a un seuil mémoriel de mémoire d'irritabilité atteint, bien là, l'astral, l'ego commence à engendrer dans le cerveau une dépolarisation circulaire qui, elle, ne lâche plus. C'est la douleur. Je t'ai fait mal, je saisis. Ça continue à faire mal, hein? Puis ça s'en va lentement. Mais encore là, vous pouvez constater que c'est une farce. Le temps ne peut plus exister. La montre, elle est là. Regardons, prenons un exemple mathématique. Comment c'est une vraie farce, toute la structure. Il est moins 5. Donc, pour arriver à 0, hein, on devra, l'aiguille devra parcourir la moitié du chemin. Quand elle aura parcouru la moitié du chemin, ben, il restera l'autre moitié à parcourir pour arriver à 0. Mais de là à 0, il restera la moitié du chemin. Il restera, disons, 2 minutes. Pour parcourir les 2 minutes, il faudra qu'elle fasse au moins 1 minute pour commencer. Elle fait 1 minute, il va rester 1 minute. Mais pour faire la minute, il faudra qu'elle fasse 30 secondes. Elle fait 30 secondes, il en reste 30. Mais pour faire les 30 secondes qui restent, elle peut faire la moitié du chemin, 15 secondes. Elle en fait 15, il reste 15 secondes. Mais pour faire les 15 secondes qui restent, bien, disons qu'il y en a 14 maintenant, 7.5, 7, elle fait 7 secondes. Il reste 7 secondes. Pour faire les 7 secondes qui restent, bien, elle va faire 3.5 secondes, disons 3. Mais là, il reste encore la moitié du chemin à faire, 3 secondes. Pour faire les 3 secondes, on va faire 1.5 secondes. Mais vous allez vous constater mathématiquement que l'aiguille n'atteindra jamais le zéro. C'est mathématiquement totalement impossible. Mais nos aiguilles font le tour du cadran régulièrement, ceux qui ont des cadrans, hein? Sinon ça digite, ça, des cadrans numériques. Mais n'empêche que ça ne se peut pas. Et ça, c'est ce qui arrive. Alors, fiez-vous-y pas, mais servez-vous-en. Bon, la semaine prochaine, le sujet, c'est... C'est comment bénéficier des événements de l'avenir. Ah, ben ça, c'est intéressant. Même heure, même endroit. Alors, la semaine prochaine, c'est un événement de l'avenir. S'il y a un avenir. Bonne semaine. Bonne fête de semaine.